Le Décaméron par Boccace. Neuvième journée. Nouvelle première. Les amants y conduits. Il y eut jadis à Pistoyer une veuve charmante que deux Florentins bannis de leur patrie et retirés dans cette ville aimaient avec transport sans qu'ils se fussent communiqué le secret de leur cœur. L'un se nommait Rinucci Palermine et l'autre Alexandre Clermontois. La dame se nommait Françoise de Lazare. Tous deux, chacun de son côté et dans le plus grand mystère, avaient tout tenté pour attendrir leur commune maîtresse. Celle-ci, quoique sans amour, mais lassée de leurs messages continuels et fatiguée de leurs prières, avait enfin daigné ouvrir l'oreille à l'un et à l'autre. Cette complaisance n'était peut-être pas trop conforme aux règles de l'honnêteté, du moins le crut-elle ainsi, et elle voulut expier son étourderie, coupable ou non, en expulsant enfin ceux qui l'avaient causée. Mais comment s'y prendre? Voici le moyen qu'elle imagina. Elle résolut de leur demander un service qui, bien que possible, devait les effrayer et lui attirer un refus de leur part. Ce refus était un prétexte honnête et naturel pour les congédier et rejeter pour jamais leur message. Le jour même que cette idée vint à la dame, il mourut à Pistoyer un homme qui, quoique d'une noble extraction, avait la réputation d'être non seulement le plus méchant de tous les habitants de la ville, mais du monde entier. Ajoutez à cela qu'il était d'une laideur et d'une difformité si monstrueuse que quiconque ne l'eût pas connu en eût été effrayé d'abord. On l'avait enterré près de l'église des Cordeliers. Elle pensa que cet événement pouvait être utile à son dessein. « Ma chère, dit-elle à une de ses femmes, tu sais combien les empressements amoureux de ces deux Florentins, Rinucci et Alexandre, me déplaisent et me sont à charge. Je ne pourrai jamais me déterminer en leur faveur, et je n'accorderai jamais rien à leurs désirs. Ils s'épuisent en offres et en protestations. Je suis d'avis, pour m'en défaire, de les prendre au mot, et de leur proposer une entreprise dont l'exécution me paraît très incertaine. Ainsi je pourrai me délivrer du mortel ennui de les voir et de les entendre. Tu sais que ce matin étrangle Dieu, c'est ainsi que se nommait le scélérat dont j'ai parlé, a été enterré au Cordelier. Tu sais aussi que lorsqu'il était vivant, il était l'effroi des plus intrépides et que son abord glaçait d'épouvante quiconque le rencontrait. Il doit être par conséquent un monstre d'horreur depuis qu'il est mort. Va donc premièrement chez Alexandre. Madame Françoise, lui diras-tu, m'envoie vous apprendre que le temps est venu où vous pouvez obtenir son amitié, l'objet de vos plus vifs désirs, et qu'il n'attend de vous qu'un service pour lui faire partager son lit. Pour quelque raison dont on vous instruira à loisir, un de ses parents doit faire apporter chez elle le corps d'Étrangle-Dieu, enterré de ce matin. Elle le craint tout mort qu'il est, et voudrait bien pouvoir se dispenser de recevoir un tel hôte. Vous lui feriez le plus grand plaisir, vous lui rendriez le service le plus signalé, si vous vouliez aller ce soir, à l'heure du premier somme, au tombeau d'Étrangle-Dieu, vous vêtir de ses habits, vous mettre à sa place, et y demeurer de manière qu'on puisse y méprendre. Lorsqu'on viendrait vous chercher, il ne faudrait pas laisser échapper un seul mot, un seul mouvement qui vous trahit. Vous vous laisseriez tirer du tombeau et apporter à sa maison comme si vous n'étiez plus effectivement qu'un cadavre. Une fois entré, on vous rendrait les droits d'un homme vivant. Vous pourriez coucher avec ma maîtresse et ne sortir de ses bras que lorsqu'il vous plairait. Elle se charge du reste. Si Alexandre accepte cette offre, à la bonne heure. S'il la refuse, dis-lui de ma part qu'il ne se montre jamais dans les lieux où je serai, qu'il se garde surtout de m'importuner à l'avenir de ses messages ou de ses ambassades. Ensuite, tu iras trouver Rinucci et tu lui diras « Madame Françoise est prête à faire tout ce qu'il vous plaira, mais l'exige auparavant que vous lui rendiez un grand service. Il s'agit d'aller, vers l'heure de minuit, au tombeau où Étrangle-Dieu a été enfermé ce matin, et sans dire mot, quelque chose que vous entendiez ou que vous sentiez, d'en retirer doucement le cadavre et de l'apporter à la maison. Là, vous saurez pourquoi elle exige ce service, et ses faveurs seront votre récompense. Si cette entreprise vous déplaît, elle vous demande de cesser pour jamais toutes vos galanteries à son égard. » La servante s'acquitta fidèlement de la commission et rendit aux deux amants tout ce que sa maîtresse lui avait ordonné de leur dire de sa part. Tous deux, également épris, répondirent que pour lui plaire, ils étaient prêts à aller, non seulement dans un tombeau, mais jusqu'aux enfers. La servante rapporta leur réponse à Madame Françoise, qui attendit tranquillement que l'événement justifiât leurs propos. Dès que la nuit fut venue, Alexandre Clermontois se dépouilla de ses habits, sortit de sa demeure à l'heure indiquée pour aller prendre dans un tombeau la place des Trangle-Dieu. Cependant, chemin faisant, son premier courage commençait à l'abandonner. Mille idées noires effrayaient son esprit. « Dieu, où vais-je » dit-il en lui-même. « Quelle sottise est la mienne ? Que sais-je si les parents de cette femme, avertis par hasard de mon amour et me supposant plus avancé et plus heureux que je ne suis, ne lui ont pas fait tout ceci pour m'assassiner dans l'obscurité de ce tombeau ? Qui pourrait me secourir ? Je n'aurais pas même l'espoir de la vengeance. La solitude du lieu leur garantirait l'impunité du crime. Que sais-je si quelque rival préféré ne lui a pas proposé ce stratagème pour se défaire de moi ? Mais en supposant que mes conjectures soient fausses, et qu'en effet ses parents me portent en sa maison, du moins dois-je croire qu'ils ne désirent pas le corps des Trangle-Dieu pour le tenir entre leurs bras, ou pour le mettre entre les siens ? Ce que je puis imaginer de plus raisonnable, c'est qu'ils veulent venger sur le cadavre des Trangle-Dieu quelques déplaisirs qu'il leur aura fait durant sa vie. On m'a recommandé de ne dire mot, quelque chose que je sente. Et s'il me crevait les yeux, s'il m'arrachait les dents, s'il me coupait les mains, si enfin il me faisait quelque tour de cette espèce, pourrais-je me taire ? Et si je parle, peut-être me puniront-ils ? Mais quand même ils ne le feraient pas. Que me reviendrait-il de mon entreprise ? Sans doute ils ne me laisseront point avec Madame Françoise, qui d'ailleurs ne manquera pas de me reprocher d'avoir enfreint ses ordres, et qu'il sera leur endroit de se refuser à mes désirs. Ces réflexions l'ébranlaient, et l'auraient fait retourner chez lui si l'amour, plus persuasif que la raison, ne lui en eût présenté de toute contraire à celle-là, et d'une manière si pressante qu'il fut contraint d'y céder. Il arrive au tombeau, il l'ouvre, il y entre, il dépouille et tremble Dieu, revêt ses habits, referme le tombeau sur lui, et se met à la place du mort. Il n'y fut pas plus tôt que les plus effrayantes pensées se présentèrent en foule à son imagination alarmée. Il se représente ce qu'avait été Trangle-Dieu dont il occupe la place. Il se rappelle les sinistres histoires qu'il avait autrefois entendues raconter de ce qui arrivait pendant la nuit, non seulement parmi les tombeaux des morts, mais ailleurs. Ses souvenirs faisaient hérisser ses cheveux. Il croyait à tout moment qu'Étrangle-Dieu allait se lever et l'étrangler, mais enfin, soutenu par la violence de son amour, et se tenant dans la posture d'un mort, il attendit avec quelque tranquillité ce que le sort voudrait ordonner de lui. D'un autre côté, à minuit, Rinucci sortit de la maison pour obéir aux ordres de la dame. Dans la route, il s'occupait tristement de ce qui pouvait lui arriver. « Si je suis surpris, disait-il en soi-même, avec le corps des Trangle-Dieu sur mes épaules, je serai mis entre les mains de la justice. Si l'on me traite de magicien, je cours risque d'être brûlé. » Si les parents du mort viennent à savoir ceci, me voilà exposé à toutes les suites de leur juste ressentiment. Mille autres idées affligeantes le rendaient incertain. « Mais quoi ? » disait-il en son cœur. « La première fois que cette femme si aimable et si tendrement chérie me demande un service, je lui refuserai, surtout quand ses plus chères faveurs en doivent être le prix. Non ! Dussé-je en mourir, j'essaierai de faire ce que j'ai promis. » Il va droit au tombeau et l'ouvre légèrement. Au bruit qu'il fait, Alexandre, quoique effrayé, ne dit mot. Dès que Rinucci fut entré, croyant s'emparer du corps des Trangle-Dieu, il prend Alexandre par les pieds, le tire dehors, le charge sur ses épaules et s'enfuit vers la maison de la dame. Comme il ne donnait pas beaucoup d'attention à son fardeau, et que la nuit d'ailleurs était fort obscure, le prétendu mort recevait de temps en temps des contusions. Sa tête donnait tantôt contre le coin d'une rue, tantôt contre une porte et tantôt contre autre chose. Rinucci était déjà tout près de la porte de Madame Françoise, qui s'était mise à la fenêtre avec sa servante pour voir s'il portait Alexandre, et qui avait des excuses toutes prêtes pour les renvoyer tous deux, lorsque le hasard la servit à son gré. Les gens du guet, placés dans cette rue pour arrêter un malfaiteur, entendant marcher Rinucci, tirent tout à coup leurs lanternes de dessous leurs habits pour voir qui c'était et ce qu'ils avaient à faire. Ils agitent leurs rondaches et leurs javelines en criant « Qui est là ?» À cette brusque interrogation, Rinucci les reconnut, et n'ayant pas trop le loisir de songer à ce qu'il devait faire, il laisse tomber son fardeau et s'enfuit à toutes jambes. Alexandre, quoiqu'il eût sur son dos les habits d'étrangle-dieu, qui étaient fort longs, s'enfuit de même. À la faveur des lanternes du guet, la dame avait vu toute cette scène et s'était fort bien aperçue que Rinuccio portait Alexandre et que celui-ci était couvert des habits d'étrangle-dieu. Leur courage l'étonna, mais son étonnement ne l'empêcha pas de rire lorsqu'elle vit Alexandre jeté par terre, Rinuccio s'enfuir et son compagnon l'imiter. Cette aventure la divertit beaucoup. Elle loua Dieu qui l'avait délivrée de l'embarras où elle était, ferma la fenêtre et gagna son appartement. Cependant, elle convint avec sa servante que ses deux amants l'aimaient beaucoup, puisqu'ils avaient ponctuellement suivi ses ordres. Rinuccio, triste, affligé, maudissant la fâcheuse rencontre qui avait fait échouer son entreprise presque achevée, revint quand le guet fut parti pour se ressaisir de sa proie. Ne la trouvant pas, il s'imagina qu'on s'en était emparé, et le dépit dans le cœur, il s'en retourna chez lui. Alexandre, non moins mécontent que Rinuccio, ne soupçonnant pas le tour qu'on lui avait joué, ne sachant que devenir, regagna aussi son gîte fort tristement. Le matin, on trouva le tombeau ouvert et vide. Ce fut la matière de beaucoup de propos différents dans la ville de Pistoiese. Chacun en parla à sa manière. Les plus sots disaient que le diable avait emporté étrangle-dieu. Cependant, nos deux amants ne voulurent pas avoir perdu leur peine entière. Chacun, de son côté, conta à la dame ce qu'il avait fait, ce qui était arrivé, s'excusa de n'avoir pu entièrement remplir ses volontés, demanda grâce et un peu de retour pour un amour si violent et si vrai. Mais, toujours inflexible et feignant de ne pas ajouter foi à leur récit, elle s'en débarrassa honnêtement en leur faisant entendre qu'il n'avait rien à espérer d'elle, puisqu'il n'avait pas fait ce qu'elle exigeait.